Audiomatique. Everyone is burning bright. 182 seconds, baby, and heaven is a trick of the light. Calm down, my love. Calm down. Now everyone is riding letters home. A 182 seconds, baby, and heaven is a dress unknown. Calm down, my love. Calm down. La transmission 112 d'Audiomatique s'ouvrait avec la pièce Life on Mars, composée par Nick Cave et Warren Ellis pour la série fiction documentaire Mars, produite par The National Geographic. La grisaille persiste. La noirceur engouffre le jour tôt. La nature est morte. L'environnement monde teinte notre âme. Pourtant, n'y a-t-il pas la beauté dans cette désolation automnale? La musique a ce pouvoir de nous transmettre des émotions qui reflètent un état d'esprit dans un contexte particulier, dans un environnement particulier. Et malgré tout, de générer un bien-être dans la mélancolie. Voici le projet Mictech et sa pièce Magnificent Desolation. Thank you. Nous écoutions une pièce du tout nouvel album de la formation britannique The Future Sound of London. La pièce Leak Stereo 70 est tirée de la sixième parution de la série Environments, débutée en 2007. Sachez qu'Environment 6 ne vient pas seul. Il est accompagné d'un autre album intitulé Environment 6.5, dont les électronistes vous présenteront une pièce lors d'une prochaine transmission. Et la séquence de deux pièces s'amorçait sur la musique du projet grec Miktek et sa pièce Magnificent Desolation, tirée de son album Elsewhere, paru en 2013. La programmation musicale d'Audiomatique se poursuit avec une pièce de l'artiste américain Robin Frantz, ou si vous préférez, King Ginseng. job that normally takes an hour. We put in our blood, sweat and tears, Media and the Tout juste avant la pause publicitaire à Audiomatique, qui n'est pas une zone, soit dit en passant, il s'agissait du groupe anglais de Riggs, qui a été fondé en 1988 des cendres de la formation de Chameleons par les guitaristes Dave Fielding et Reg Smithies, qui ont recruté le chanteur Gary Lavery pour compléter le groupe. Ici, on pouvait entendre leur reprise instrumentale de la célèbre chanson All Tomorrow Parties, composée à l'origine en 1965 par Lou Reed du Velvet Underground. Cette reprise est parue sur l'album Return of the Sea Monkeys du groupe The Riggs. On a aussi pu entendre précédemment le duo Power et la chanson Modern Day Slavery de leur album Dedicated to World Revolution. Et pour amorcer la séquence, nous écoutions Kid Ginseng avec sa pièce X1 Speed of Sound DJ Quest Mix, que vous pouvez télécharger sur le site soundcloud.com/craftjerks, KraftJerkz. Nous entamons la prochaine séquence meublée d'une seule longue pièce du compositeur minimaliste et chef d'orchestre américain John Adams. Nous allons entendre la deuxième partie de son œuvre Light Over Water, qui est en fait une symphonie pour instruments à vent et synthétiseurs parue en 1985. Voici donc John Adams. Thank you. Thank you. Nous venons d'entendre la deuxième partie de l'œuvre Light Over Water du compositeur John Adams. Rappelons que cette œuvre est une symphonie pour instruments à vent et synthétiseurs parue en 1985. L'orchestre pour cette œuvre est composé, outre le synthétiseur, de tuba, de trompette, de trombone et d'un cor français. Pour clore cette transmission 1-1-2 d'Audiomatique, nous vous présenterons le groupe anglais Pop Will Eat Itself avec la chanson Me, No Fear the Reaper, The Concrete No Fee No Fear Mix, tiré de l'album Two Fingers My Friends, qui est en fait un album qui contient toutes les pièces de l'album studio Dos Dedos Mis Amigos, mais en version remixée. Les électronistes sont heureux de vous compter parmi leurs auditeurs, que ce soit sur les ondes hertziennes ou dans les univers numériques. D'ailleurs, c'est dans le cyberespace que sont archivées toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique, accessibles à partir de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Également, l'archivage des transmissions s'effectue peu à peu sur notre profil mixcloud.com/audiomatique. Quant à la transmission 113 d'Audiomatique, elle sera d'abord diffusée en direct sur les ondes de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h. Voici, comme convenu, Pop Will Eat Itself et la pièce Me No Fear the Reaper, The Concrete No Fee No Fear Mix. Bonne écoute et bonne semaine. Summon up the big daddy with the horns and the tail, he gets to bring his own liquor, his own bird, and his own pot. Join me, Jesus freaks. Join me, Jesus freaks. In heaven. Join me, Jesus freaks. Join me, Jesus freaks.